Voici, en 50 minutes environ, l'intégrale de la nouvelle d'Émile Zola, intitulée « L'inondation » et publiée en 1883. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, juillet 2022.